Derrière le mur, par Gabriel de Lautrec. C'est une antique et vaste demeure dans les faubourgs de la ville, qui n'est reliée au reste du monde que par les murs de ruelles désertes. Des portes basses se sont ouvertes jadis dans ces murs, sur des jardins maintenant abandonnés. Elles sont fermées par la poussière et les branches, et la mousse tapisse leur seuil disjoint. La maison est précédée par une allée de tilleuls. Sa façade est mélancolique et plate. Une horloge, dans l'escalier, sonne les heures, implacablement, à travers les corridors obscurs. Nous vivons là une existence claustrale, qui n'a pour moi rien de monotone, illuminée par l'amour et par l'effroi. La première fois que je rendis visite au docteur Crooker, j'étais attiré surtout par la réputation de ses travaux scientifiques. Mais à cette curiosité normale s'en mêlait une autre, un peu inquiète. Je savais que le physicien, chez lui, se doublait d'un mathématicien redoutable, de ceux qui, par une intuition étrange, croient réalisables, dans le monde matériel, les abstractions du nombre. Ses théories sur la quatrième dimension n'étaient pas uniquement des théories. Il croyait non seulement à la possibilité, mais aussi à l'existence réelle d'un monde basé sur d'autres données géométriques que celles dont nous avons l'expérience. Un univers inconnu, dont la conception devait correspondre, me semblait-il, pour des intelligences usuelles, à quelque chose d'effrayant. Je revins, attiré par l'intérêt des propos et aussi par la présence blonde d'une forme féminine. Je sus que c'était la nièce du docteur et qu'elle se nommait Kate. Orpheline et de mère irlandaise, son oncle l'avait recueillie. Il paraissait avoir quelque affection pour elle. Il s'intéressait dans la mesure du possible à ses travaux à lui. Mes titres scientifiques étaient suffisants. Je sus me rendre indispensable. Et un jour vint où j'habitais la maison. Nous étions là, tous les trois, avec une servante sourde et un très vieux jardinier. Kate sourit quand je lui parle. Je sais que son sourire est pour moi. Puis j'entre dans le cabinet du docteur. Deux grandes fenêtres sans rideaux versent une lumière blanche d'un dénuement et d'une tristesse infinie. De grandes tables noires couvrent les murs, et sur ces tableaux se croisent, s'entrelacent des lignes à la craie, dont quelques-unes me sont familières, mais dont les autres, par leur nouveauté, portent un défi à mes connaissances vraiment sérieuses. À la place qui m'est réservée, je trouve le travail du jour, des opérations à effectuer, des épures à construire, travaux de détail dont je comprends le sens restreint, mais qui se rattachent à un plan général dont l'ensemble m'échappe. Je suis comme ces mécaniciens à qui l'ingénieur redoutable donne à façonner quelques pièces isolées, dont lui seul connaît la juxtaposition définitive et le but mortel. Presque jamais je n'ai pu me trouver seul dans le cabinet. Il semble que le docteur éprouve une répugnance à me laisser hors de sa présence dans l'intimité de ses travaux. Cette réserve a irrité dès le premier jour ma curiosité. Et l'impossibilité de satisfaire cette curiosité rend mon existence plus bizarre et plus pénible chaque jour. J'aurais déjà fui, n'était la chaîne de fleurs qui me retient dans cette demeure. J'ai l'impression que d'heure en heure, un mystère plus angoissant se déroule. En proie à quelque exaspération grandissante qui tuait peu à peu ma discrétion, j'en suis arrivé à ramasser les bouts de papier déchirés qui traînent parfois sur le plancher. Il est rare que je puisse déchiffrer un mot ou une formule dans ces indications, où il use presque toujours des notations dont l'alphabet m'est inconnu. Une fois pourtant, il a dû sortir à l'imprévu, pour courir dans le jardin où quelque chose d'insolite venait d'arriver. Un fragment de papier, irrégulièrement coupé, comme déchiré dans un moment d'impatience, était sur la table. Il restait une vingtaine de lignes d'écriture tourmentées. Je l'ai pris. Il croira l'avoir jeté, ou qu'il s'est envolé par la fenêtre, justement ouverte. Je le lirai ce soir, dans ma chambre, porte close. Le docteur, remonté dans son cabinet, n'a fait aucune allusion au papier disparu. La journée s'est écoulée. Nous avons dîné silencieusement, servi par la servante sourde. Puis Kate s'est retirée, je suis monté dans ma chambre. J'ai mis le verrou discrètement. J'ai remué quelques livres pour que le docteur, s'il passait par là, ne soupçonne pas mon impatience. Puis je me suis assis près de la lampe et j'ai lu. Matériel, mais n'ayant que deux dimensions, la longueur et la largeur. S'ils existent,

pénétrant graduellement dans le monde de la quatrième dimension qui la dévorait, jusqu'à ce que dans un vague murmure de sanglots, il n'y eut plus, sur le plancher de la chambre, que quelques gouttes de sang. C'était « Derrière le mur » par Gabriel de Lautrec.